France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, deuxième volet de l'affaire Patrick Henry, le procès. Comment cet homme de 24 ans, à l'époque, fut sauvé de la guillotine aux assises de Troyes en 1977. Hier, nous avons raconté l'affaire du rapt et de l'assassinat du petit Philippe Bertrand par le dénommé Patrick Henry. Un an plus tard, le procès de l'assassin se déroule à Troyes. L'affaire est l'une des plus importantes de l'histoire judiciaire française, l'une des plus passionnelles, car avec elle s'entrechoque l'horreur de l'assassinat d'un enfant, la furie d'une population et le combat des avocats qui trouveront les mots pour éviter que l'homme ne monte sur l'échafaud, fût-il la figure du monstre qui avait tué un enfant de 7 ans. Aujourd'hui, nous allons donc vous raconter le procès et l'atmosphère qui l'a entouré, irrespirable. Et puis enfin, comment peut-on défendre un homme comme Patrick Henry? Qui sont ces avocats qui défendent l'indéfendable et sur lesquels l'opprobre va tomber? Poser cette question, c'est ignorer qu'il ne s'agit pas d'aimer l'accusé, mais d'aimer défendre l'accusé. La nuance est fondamentale, car elle définit en bonne partie le métier d'avocat, si compliqué à assumer dans des affaires comme celle-là, à une époque où le débat autour de la peine de mort oppose les pulsions à la raison. Pourtant, c'est cette dernière qui l'emportera 5 ans plus tard, quand par la volonté politique de François Mitterrand, son ministre de la Justice abolira la peine de mort. Cet homme, cet ancien ministre, c'est Robert Badinter, bien sûr, et c'est lui qui est à nos côtés aujourd'hui dans Affaires sensibles. Il est notre invité d'abord parce qu'il était l'avocat de Patrick Henry, et c'est bien à ce titre qu'il est le grand témoin de cette émission. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouyenne-Quin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, comédien Philippe Pierrard, réalisation Jérôme Chélius et Coy Nguyen, à la technique aujourd'hui, Alain Gadan, Benjamin de la Gâtinais. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. TF1 20h avec Roger Gicquel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une 20aine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un 12 enfants au regard profond, assassiné, étranglé par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. La France a peur. Chaque mère, chaque père a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes, quand il pense à cet assassin de 23 ans, une relation des parents du petit Philippe, un petit commerçant bien mis, qui a fait croire jusqu'au bout aux parents que l'enfant était vivant, un jeune homme apparemment sans passion, qui ne peut pas être autre chose qu'une sorte de malade mental, mais qui a pourtant tenu tête avec une froide lucidité aux policiers qui l'ont interrogé pendant 48 heures quand il était le témoin numéro 1 de l'affaire. Le 18 février 1976, Roger Gicquel, présentateur du journal le plus regardé de France, ouvre son journal par ce long monologue en forme d'éditorial. La France a peur. Ces quelques mots se veulent miroir de ce que ressentent les Français, pris de vertige et d'angoisse. Philippe Bertrand s'est enlevé il y a 18 jours, n'est plus. Son corps était sous le lit d'une chambre louée par son assassin Patrick Henry. Toute la journée, dans les journaux, on lit les tribunes des chroniqueurs qui, chacun à leur tour, avec plus ou moins de force, demandent un jugement à la hauteur du drame. À Troyes et ailleurs, les appels à la vengeance se répandent. Les digues de la haine cèdent sous le poids de la vague d'indignation. C'est impardonnable, je ne peux absolument pas pardonner ça à mon fils, c'est pas possible. Je suis la maman de Philippe. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Vous dites tout à l'heure que même s'il était condamné à mort, vous le comprendriez. C'est normal. Ce jour-là, la France a peur jusque dans les bureaux de nos ministres. 3 d'entre eux, personnalités éminentes dont on attend recul et hauteur, décident de marcher aux côtés des coupeurs de tête. Robert Gallet, maire de Troyes et ministre de l'équipement, réclame une justice exemplaire. Jean Le Canuet, garde des Sceaux, annonce la mise en place d'une procédure accélérée et rappelle, je cite, que pour les criminels calculateurs, la peine la plus lourde est la peine de mort. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, annonce, piétinant tranquillement le concept de la séparation des pouvoirs, que s'il était juré, il voterait la peine de mort. Oui, la France a peur, et le doute s'infiltre jusque dans les couloirs du palais de justice où l'on voit faiblir la conscience de certains avocats. Pour preuve, maître Jean Bermer, le bâtonnier de Troyes, refuse de le défendre. Il s'en explique au micro de France Inter. Pratiquement, j'ai pris ma décision en conscience. Je ne pourrais pas accepter la défense de Henri. Et pour quelle raison ? Oh, pour beaucoup de raisons. C'est une question de conscience. Vous savez qu'un avocat n'est pas tenu. Il peut toujours refuser si sa conscience lui dicte de ne pas accepter cette mission. Il y a un climat de lynchage, on peut-on dire, à Troyes actuellement. Déjà, ma femme a été interpellée dans la rue par des gens qui se sont dit « Comment votre mari, paraît-il, accepte de plaider pour Henri ?» Vous voyez le genre. Mais maître, certains vont dire que vous reculez. Non, je ne recule pas, mais je suis avocat, bien sûr, et donc je dois défendre ceux qui me le demandent. Et tout accusé a le droit d'être défendu, vous le savez. Mais je suis également un grand-père. J'ai des enfants, des petits-enfants qui ont l'âge du petit Philippe. Et c'est très dur. Maître, si vous étiez avocat général, est-ce que vous réclameriez la peine de mort ? Oui. La France a peur. La France a peur, mais des hommes tentent de briser cette colère brute, vaine et au bout du compte dangereuse pour la santé morale du pays. Robert Boquillon, bâtonnier de l'ordre des avocats de Chaumont où est transféré Patrick Henry, décide de se commettre d'office. Oh, il n'est pas un abolitionniste de conviction. Il effectue son devoir d'avocat, celui de défendre, malgré les menaces, les insultes et les cris de la rue. Monsieur Boquillon, c'est un grand-père qui vous cause, là. Écoutez-moi ce que j'ai à vous dire, hein. Ne défendez pas un bandit, hein. Ne défendez pas un bandit, hein. Car vous êtes un grand-père, hein. Écoutez ce que je vous dis, ne défendez pas un bandit. C'est bien la tête de l'assassin qui est en jeu maintenant. Robert Boquillon décide alors de contacter un confrère pour l'accompagner, l'avocat Robert Badinter. Ce nom résonne encore dans les couloirs de la cour d'assises de l'Aube. 5 ans auparavant, malgré une conscience professionnelle portée par un idéal, la disparition de la peine de mort en France, il n'a pas réussi à sauver la tête de Roger Bontemps, reconnu coupable avec Claude Buffet du meurtre d'une infirmière et d'un gardien lors d'une prise d'otage dans la centrale de Clairvaux. Après une rencontre dans une petite brasserie entre Paris et Chaumont, maître Boquillon expose à son confrère le dossier Patrick Henry, si accablant pour l'accusé que la mort, l'exécution semble être la seule issue judiciaire. Eh bien, Robert Badinter accepte de défendre Patrick Henry aux côtés de Robert Boquillon. Les deux avocats seront épaulés dans cette tâche par François Binet. Patrick Henry aura 3 avocats. L'été passe. Dans les cours d'assises de France, des hommes sont de nouveau condamnés à la peine maximale. Christian Ranucci, notamment, est guillotiné au petit matin derrière les hauts murs de nos prisons, comme si la justice française honteuse cachait ses pratiques. Quel aveu ! Quand se refusera-t-elle à condamner à mort ? Janvier 1977, 8h. Dans une brume glaciale, un fourgon arrive à la cour d'assises de l'Aube. 1 an après le drame, on juge l'assassin du petit Philippe Bertrand. Devant les grilles du palais de justice, les autorités fouillent les inconnus qui espèrent avoir une place pour le procès de l'année. Quelques minutes avant le début, accompagnés par leur avocat, maître Ambre, les parents de Philippe Bertrand entrent eux aussi dans la salle d'audience. Leur regard semble perdu dans une peine intime, indescriptible, avec laquelle ils vivent, désormais, au quotidien. Mais le procès de Patrick Henry ne leur appartient plus en quelque sorte. Ils le partagent avec les Français, les journalistes qui relatent depuis 1 an l'événement. Pendant ces 3 jours d'audience, ils sont venus par dizaines, les journalistes chroniqueurs judiciaires. Ils sont venus de toute la France. On reconnaît Pierre Georges du journal Le Monde, Claude Guillaumin de France Inter, Bernard Guetta du Nouvel Obs et bien sûr l'incontournable Frédéric Potcher d'Europe 1, la star de la chronique judiciaire. La veille, on pouvait lire sous la plume de Bernard Guetta un article intitulé « Procès d'un guillotiné » qui commençait par ces mots. C'est un décapité qui se présente ce mardi à Troyes devant la cour d'assises de l'Aube, un homme de 23 ans qui n'en aura vraisemblablement jamais 24 et qui le sait. Là, d'avance, la cause est entendue. La tête de Patrick Henry tombera un petit matin prochain et rien n'y pourra changer. De fait, Patrick Henry ira-t-il jusqu'à ses 24 ans ? La sonnerie retentit, le procès commence. Le président ordonne l'entrée de Patrick Henry. Dans un couloir, menottes aux mains, il passe sous les flashs. Il ne lève pas la tête. On ne voit que son dos franchir la porte qui l'amène au box des accusés. L'homme vantard, sûr de lui, clamant son innocence sur les ondes et dans les journaux avant qu'on découvre le corps de l'enfant. a changé. Il a enfilé ses habits du dimanche, une chemise blanche et un costume bleu. Ses lunettes ne sont plus rondes, l'homme préfère désormais une paire au vert carré. À son entrée, il jette un regard sur cette salle silencieuse baignée d'une lumière voilée. Sur les bancs, deux mères observent le jeune homme. L'une a perdu son fils, l'autre a découvert que son enfant pouvait tuer. Le président tire ensuite au sort le jury. La défense récuse 8 profils, l'accusation 5. Derrière des noms et des professions, ils pensent déceler une attitude, une conviction, pouvant ou non les soutenir lors du vote final. Maintenant, tous les acteurs et tous les éléments du rituel sont en place. Avocat, juré, président, accusé. L'interrogatoire débute. Les faits, le rapt, à 3. Et on rappelle la vie de l'accusé, de l'enfance jusqu'à l'irréparable. Tout s'entrechoque, comme le raconte Claude Guillaumin pour France Inter. Pendant une heure, il ne s'est jamais départi d'un calme effrayant, parlant des faits les plus dramatiques avec un sang-froid, une maîtrise de soi étonnante. J'ai choisi l'enfant à cause de la fortune de son grand-père. J'avais déjà essayé de l'enlever, mais ça n'a pas marché. J'ai téléphoné à Madame Bertrand pour lui expliquer la situation. La situation, c'était l'enfant ou un million. Et le jeu des questions et des réponses continue. Le président, qui ne parvient pas à élever le débat, essaye de pousser Patrick Henry à en redire plus. Patrick Henry reste impénétrable. Quelques secondes d'émotion quand même, à l'évocation de la mort de Philippe. 5 minutes avant, dit-il, je n'y pensais pas. J'ai eu un moment de... Il cherche le mot exact, il ne le trouve pas. Il ajoute, si j'avais réfléchi, je ne l'aurais pas fait. Et puis très vite, il retrouve son self-control. Le président... Vous aviez tué Philippe depuis 2 semaines et vous avez quand même demandé de nouveau la rançon. Patrick Henry, eh bien, mes affaires n'étaient pas réglées pour autant. Ces affaires, ce sont les 80 000 francs de dette. Alors, un cynique qui sait se contenir, ne dire que le minimum, ou un inconscient total qui ne se rend pas compte, on attendait je ne sais quoi, un cri, un geste, un accent de sincérité, mais rien n'est venu aujourd'hui. Si j'avais réfléchi, je ne l'aurais pas fait. Les faits racontés sont connus, pensait donc depuis un an, on ne parle que de ça, que du crime. L'accusé a tué un jour de février. Philippe Bertrand était assis sur le lit, il regardait la télévision. Patrick Henry a pris un foulard, il l'a étranglé. Mérite-t-il la mort ? Car c'est tout l'enjeu de ce procès, puisqu'on juge un coupable, si je puis dire. Oui, tout l'enjeu, c'est la nature de la peine. Et c'est sur ce terrain que Maître Bocquillon et Maître Badinter vont mener leur défense. À la barre, ce premier jour, après la déposition des proches de la famille Henry, les témoins de la défense sont appelés. Défilent alors d'éminents intellectuels, voire des hommes de foi, tous abolitionnistes qui tentent de semer le doute dans les certitudes qui entourent la peine capitale, considérée à l'époque par les Français comme la réponse, adaptée aux crimes les pires, dont les assassinats d'enfants, transgressions criminelles ultimes. Et puis la guillotine évite-t-elle d'autres crimes ? Est-elle dissuasive ? C'est autour de ces questions que les jurés et les avocats passent leur première nuit blanche. 19 janvier 1977, second jour de débat à la cour d'assises de l'Aube. Comme la veille, des inconnus attendent devant les grilles. Chaque procès a ses vedettes et ses groupies, ses voyeurs de drames intimes ou ses personnes qui souhaitent se confronter au regard et à l'histoire d'un assassin qui pourrait être un voisin, un fils. Étrange phénomène d'identification. Ce matin, la cour entend l'avis des hommes de science, des psychiatres et des psychologues, ouvre le bal. Après 2 heures de déposition, les experts aboutissent à une conclusion commune. L'homme, assis dans ce box des accusés, est normal, banalement normal. Oh, il est certes immature et impulsif, mais aucun test n'a révélé de troubles psychologiques. Autrement dit, la folie est absente de l'esprit de Patrick Henry, circonstance aggravante. La cour distribue alors au juré un carnet contenant les photos du corps de l'enfant. Chacun le feuillette, effet garanti. Chaque regard qui se pose sur le carnet découvre l'horreur et chacun dans le prétoire scrute le visage des jurés. Ils sont comme en état de choc, transportés vers l'indicible. À la barre, les médecins légistes reviennent sur l'étranglement de l'enfant. Pour eux, il est dû à un lien mince et souple, sans doute une cordelette. Ils ne parlent pas de foulard. Viennent ensuite les toxicologues qui révèlent la découverte de traces d'alcool et de barbiturique dans le sang de la victime. Patrick Henry le récuse. La tension est palpable, le procès s'enferme dans des détails. Et le dossier de la défense, déjà maigre, s'affaiblit. Selon Claude Guillaume de France Inter, Patrick Henry, lui, reste calme. Eh bien, Patrick Henry a écouté les experts décortiquer son psychisme, son niveau intellectuel, ses réactions avec attention, certes, mais sans probablement comprendre tout le sens. De temps en temps, il se penchait vers ses avocats pour demander une précision, pour refuter peut-être tel ou tel point d'une déposition, mais son comportement, il faut bien le dire, n'a guère varié. C'est toujours le petit jeune homme à l'attitude polie et au regard fuyant. Le plus souvent, il baisse la tête, mais il reste étrangement passif, presque comme détaché. Il a entendu les experts unanimes dire « Philippe Bertrand avait bu de l'alcool, Philippe Bertrand avait pris des barbituriques, donc Patrick Henry l'avait drogué ». L'accusé continue à dire « Contre toute évidence, ça n'est pas vrai ». Il l'a fait par 2 réponses très sèches au président qui l'exhortait à dire la vérité. À un moment, un expert a dit « Quand nous avons parlé des faits, au moment des tests, Patrick Henry a pleuré ». L'avocat général s'exclame « Sur quoi ?» La partie civile « Sur qui ?» Sur Philippe ?» ou Bertrand, ou sur lui-même. On aurait souhaité alors, je pense, que l'accusé réponde, mais il est resté impassible. C'est toujours la même maîtrise de soi, dont on ne sait pas si c'est une façade ou si c'est son comportement naturel. Et sur ce point, il faut bien le dire, aucun expert ce matin n'a pu nous donner une réponse précise. L'après-midi, lors de la reprise de l'audience, Robert Badinter décide de garder le silence jusqu'à la plaidoirie. La cour ne perdra rien pour attendre. Alors ce sont Robert Bocquillon, avec l'aide de François Binet, qui interroge les témoins de l'accusation. L'enquête est une nouvelle fois racontée par ses protagonistes, dont les policiers présents lors de l'invraisemblable raté du 30 janvier 76. Ce jour-là, pendant les premières heures du rapt, à Bréviande, au moins 3 inspecteurs dans une voiture banalisée observent Patrick Henry qui téléphone à la famille Bertrand. Mais l'arrivée, sirène hurlante d'une voiture de gendarme l'alerte, Patrick Henry fuit. Ce 30 janvier, la police aurait pu sauver 2 vies, peut-être. À la barre, les témoins se succèdent, mais aucun n'est une aide pour l'instant pour la défense. Le dernier, c'est le frère de Patrick Henry. Il raconte son quotidien depuis l'arrestation de son frère, la rumeur et la haine qui sont désormais associées à son nom et à sa famille. Puis il conclut sur cette mort qui plane désormais sur la tête de son frère. Le président le laisse parler, sans l'interrompre ou l'interroger. Lui se cramponne à la barre, laisse place à la colère et aux larmes. Les sanglots de sa sœur, assise quelques mètres derrière lui, l'accompagnent. Ils le savent, c'est demain qu'on délivrera ou non le permis de tuer. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Patrick Henry, le procès. Notre invité, c'est Robert Badinter. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Janvier 1977, 3e jour du procès. Aujourd'hui, les avocats plaident, les jurés votent, l'accusé et les familles attendent. Comme chaque matin, Patrick Henry entre sans regarder les photographes. Maître Ambre, avocat de la famille Bertrand, ouvre les plaidoiries. Sans cri ni colère, il reprend la route du rapt, rappelle les faits, les conclusions des experts, les confessions des témoins et de l'accusé. Il pointe la présence de barbiturique dans le sang de Philippe, preuve évidente selon lui de la préméditation de l'assassin. Sa plaidoirie est sans surprise, sobre, efficace. Dans les derniers instants de son intervention, il s'adresse à Patrick Henry lui-même. Il espérait quelques mots, des remords envers la famille, l'accusé reste silencieux. Le président donne ensuite la parole à l'avocat général Fraisse. Le ton et la forme sont, disons-le, différents. Sa voix surgit, s'élève après chaque nouvel élément qu'il brandit contre l'accusé, coupable selon lui du crime le plus affreux et sordide qu'il ait vu de sa carrière. Ses mots sont crus, tranchés. Il hésite même à donner à Patrick Henry le titre d'homme. Tout au long de son réquisitoire, il le rejette hors de Troie, hors de la société. Henri n'est qu'un loup dont seule la mort peut nous protéger. Cette mort qu'il demande, sans détour, au juré. Je n'ai jamais requis une peine que, comme juré, je n'aurais pu appliquer en mon âme et conscience. En raison des faits qui sont reprochés, je vous demande de voter la mort. Je crois à la dissuasion par la peine de mort quand il s'agit d'un crime crapuleux. Je crois surtout au devoir impérieux pour une société de protéger ses membres en prononçant une peine irrévocable. Une société n'a pas le droit de laisser se perpétuer des êtres dangereux, n'a pas le droit de mettre en danger la vie d'innocentes victimes. Si elle faisait autrement, elle engagerait sa responsabilité si d'autres actes semblables se produisaient. Sans haine, sans passion, sans faiblesse, vous appliquerez les lois de notre pays. Après cela, est-ce que les avocats de la défense pourront sauver Patrick Henry ? Personne n'y croit. C'est Maître Bocquillon qui ouvre la plaidoirie de la défense. Dans ses premiers mots, on sent l'homme emporté par l'émotion. Pendant de longues minutes, Maître Bocquillon brise l'image du monstre qu'on accole à Patrick Henry. Pour lui, l'histoire du rapt de Troie est celle d'un enfant sacrifié par un autre enfant qui n'avait pas trouvé sa maturité. Si l'avocat général hésite à considérer Patrick Henry comme un humain, Robert Bocquillon l'inscrit au contraire dans l'espèce humaine. Car cet homme dans le box, il peut être un voisin, un frère, un ami. Il est des nôtres, même s'il a tué. Dans les derniers instants, l'avocat jette ses dernières forces et déclare au juré « Ne faites pas ça !» Puis c'est Maître Bernater qui prend la parole. Lui qui garde le silence depuis la veille, lui l'abolitionniste qui 5 ans plus tôt se trouvait au même endroit avec le même avocat général qui avait demandé au juré la mort pour Bontemps et Buffet qu'il avait obtenu. Dès le début, les mots de Robert Bernater plongent les jurés au très fond de leur conscience et ils martèlent chaque mot d'une voix pleine et cassée. Pendant toute la plaidoirie, il expose l'envers de cette condamnation qu'on vote dans les palais de justice mais à laquelle on n'assiste jamais. Il raconte ces petits matins glaciaux derrière les murs de nos prisons où l'on coupe la tête du condamné. Il rappelle qu'effectivement c'est l'avocat général qui a demandé la mort, mais que ce sont eux, les jurés, eux seuls, qui porteront la responsabilité de cette lame qui tombera sur la nuque de l'homme assis à quelques mètres d'eux, encore vivant. C'est-à-dire que ces citoyens-là vont décréter « cet homme de 23 ans doit vivre ou mourir ». Jamais dans leur vie ils n'auront décision plus grave à prendre, jamais et pour cause. C'est cette corde que Robert Badinter fait vibrer, la corde de la conscience. Vous avez, vous, et vous seul, à cette minute, et oubliez tout ce qui vous entoure, vous avez seul le droit de vivre fort sur quelqu'un, à croire que tant on aura liquidé un criminel, on en aura fini avec le crime, alors que ce n'est pas vrai. À cet égard, il convient, si vous le coupez en deux, eh bien ça ne dissuadera rien ni personne. Après 1h30 d'une plaidoirie sans fausse note, Robert Badinter s'assoit. La salle reprend son souffle. L'avocat aussi. Et l'on voit des larmes sur le visage de 3 jurés. Enfin, comme le veut la procédure, les derniers instants du procès donnent la parole à l'accusé avec la phrase rituelle prononcée par le président à l'adresse de Patrick Henry, en l'occurrence. « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Alors celui-ci prend le micro et déclare « Je le regrette du fond du cœur. Depuis longtemps, je voulais demander pardon, parents de Philippe. Je voulais leur dire combien j'ai horreur de ce que j'ai fait, combien je souffre de ne plus pouvoir réparer. » Puis il s'interrompt, ne pouvant plus rien dire. Des regrets, enfin. La délibération débute, 6 hommes et 3 femmes doivent choisir entre la vie et la mort. La cour, moment on ne peut plus solennel. Après 1h30 de débat, les 9 jurés reviennent. Le président lit l'arrêt. Est-il coupable ? La réponse est oui. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ? À la surprise générale, la réponse est oui. Ce 21 janvier 1977, Patrick Henry est condamné à la peine de prison à vie. Oui, la vie. Dès la sortie de l'audience, c'est l'effervescence. Les journalistes assaillent les téléphones du palais et des cafés environnants. Mais devant le palais de justice, ce sont des cris de rage qui se font entendre, cette haine qui ressurgit à Troyes, comme il y a un an. L'accord commence, il me tient. Ben vous êtes jeunes, vous n'avez qu'à faire pareil, vous aurez des millions. Des parents ont même amené leurs enfants crier une dernière fois le slogan de la mort aux oreilles de Patrick Henry. Il y a 8 ans, c'est le jeune Patrick Henry qui était là, crié à mort pour bon temps et buffé. Il est désormais de l'autre côté. Y pensera-t-il ce soir, dans sa cellule? Le soir même, à la sortie de l'audience, Robert Badinter raconte l'annonce du verdict au micro de France Inter. Avec beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que je considère que c'est une victoire extraordinaire sur eux-mêmes de la part des jurés. Il leur a fallu courage, une élévation. Penser que cette ville a été martyrisée l'année dernière par ce crime terrible, qu'elle a vécu les souffrances des victimes, parents, alors que les jurés ensuite se rendent compte que même devant un crime terrible, eh bien, on ne prend pas un garçon de 23 ans, on ne le coupe pas en deux dans la cour de la santé, parce qu'il y a toujours, toujours cette possibilité qu'il change, et puis cette interdiction de prendre la vie. Qu'est-ce que cela va apporter au débat plus général sur la peine de mort? C'est certainement un moment important, mais je considère que ce n'est pas parce que Patrick Henry n'a pas été condamné à mort que la peine de mort est abolie en France. Mais c'est indiscutablement un très grand moment de cette bataille. Oui, ce 21 janvier 1977, la guillotine a été mise en échec. Le lendemain, dans toute la France, le verdict de Troyes fait la une, bien sûr. Pour les éditorialistes, la peine de mort était condamnée. Pourtant, la marche vers son abolition sera encore longue. Le procès de Patrick Henry a permis d'ouvrir et ouvrir le débat, d'insuffler un espoir pour tous les abolitionnistes. Mais la solution ne pouvait venir que de la sphère politique et surtout de la volonté politique. Oui, cette volonté politique qui, avec un courage certain, a su aller à l'encontre de la majorité sociologique qui, elle, restait attachée à la peine capitale, lui accordant la vertu la plus recherchée en justice, la réparation. Ce courage politique fut celui, entre autres, du communiste Georges Marchais pendant l'affaire Ranucci et, bien sûr, de François Mitterrand, dont on se souvient de la déclaration en pleine campagne électorale pour la présidentielle. C'était le 16 mars 1981, sur le plateau de cartes sortables, un moment historique. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattache mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation, je ne suis pas favorable à la peine de mort. Le 10 mai, François Mitterrand est élu président de la République. Robert Badinter est nommé garde des Sceaux le 18 septembre 1981 par 363 voix contre 117. L'Assemblée nationale adopte, après 2 jours de débat, le projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. 12 jours plus tard, le texte est voté dans les mêmes termes par le Sénat, 160 voix contre 126. Ce jour-là, la guillotine a été définitivement placée sur les étagères de l'histoire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa pa pa pa. Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, le procès de Patrick Henry. Notre invité, c'est donc Robert Badinter. Bonjour. Bonjour. Et d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cet épisode judiciaire si important. La chronique, l'histoire a retenu que vous avez sauvé la tête de Patrick Henry. Vous parlez beaucoup, d'ailleurs, de ce procès dans votre livre L'Abolition. Alors, on en revient au début, tel que nous l'avons dit dans le récit. Apparemment, on ne se bouscule pas au barreau pour aller défendre Patrick Henry. Quel est votre état d'esprit, vous, au moment où Robert Bouquillon vous propose de le défendre ? Écoutez, pour moi, on ne peut pas dissocier l'affaire Patrick Henry de l'affaire Bontemps-Buffet. Je rappelle que 3, Buffet et Bontemps, nous défendions Philippe Lemaire et moi, Bontemps, avaient été condamnés à mort et tous deux avaient été exécutés dans la cour de la santé. Je défendais Bontemps. J'avais fait reconnaître à la cour d'assises dans son verdict que Bontemps n'avait pas tué les otages. L'égorgement des otages était le seul fait de Claude Buffet. Et cependant, la cour d'assises avait condamné à mort les deux hommes, Bontemps comme le complice, Buffet comme l'auteur des assassinats. Et ainsi, le président Pompidou, ayant décidé qu'ils iraient tous les deux à la guillotine, je me suis retrouvé avec Philippe Lemaire, escortant à la guillotine un homme qui n'avait jamais versé le sang de sa vie, ce que la justice avait reconnu. Et ce jour-là, cette nuit-là plutôt, en traversant la cour de la santé qui était rouge de sang, je me suis dit, jamais dans ma vie, je n'accepterai une justice qui tue. Jamais. Et je m'étais fait le serment qu'aussi longtemps que la peine de mort subsisterait en France, avec tout ce que cela signifiait, je me battrais contre elle. Et que quel que soit le crime commis, quel que soit l'assassin, s'il encourait véritablement la peine de mort, je ne refuserais jamais de le défendre. Et j'ai tenu parole. Et quand Maître Bouquillon m'a appelé, la réponse, elle était déjà dictée par ce que je viens de vous dire. Donc pas d'hésitation, ça a été oui. Mais oui. Et j'ajoute d'ailleurs qu'après Patrick Henry, c'est 6 hommes que j'ai défendus, dont 5 avaient été condamnés à mort, la Cour de cassation avait cassé ensuite, et j'ai sauvé leur tête à tous. Et que ce soit bien clair, vous avez été évidemment choqué par ce que vous avez vu, mais humainement choqué. On a tué un homme, la justice a tué un homme qui n'avait pas tué, ça c'est Bontemps. Qu'on soit bien clair, contre la peine de mort, pour tous, y compris ceux qui ont tué, bien sûr. La cause de l'abolition était devenue mienne. Jusque-là, j'étais un adversaire de l'abolition. Intellectuellement, pour de multiples raisons, j'étais contre la peine de mort. Mais là, je suis devenu un militant de l'abolition. Et à partir de ce moment-là, tout le reste s'ensuit. Alors, en ce qui concerne Patrick Henry, l'affaire Patrick Henry, je salue le courage du bâtonnier Bouquillon. Dans la région, ce n'était pas le cas général. On l'a vu, effectivement. Et le bâtonnier Bouquillon, qui n'était pas, lui, un combattant de l'abolition, grande conscience chrétienne, n'a pas balancé, parce que c'était un avocat digne de l'éthique des avocats. Mais en ce qui me concernait, c'était un épisode majeur de la lutte contre la peine de mort. J'avais regardé avec Maître Bouquillon et mon collaborateur Binet le dossier très minutieusement, et j'en étais arrivé à une conclusion simple. Si nous laissons aller là, sur la voie classique de la défense, évoquer l'horreur de guillotine, qu'est-ce que ça peut faire à côté de l'horreur du crime ? Évoquer la personnalité de Patrick Henry, rien qui permettait de le sauver, compte tenu de son comportement, et pendant le crime, et après le crime, il restait un seul procès à faire. C'était substituer à l'affaire Patrick Henry le procès de la condamnation à mort. Changer radicalement la scène et dire ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si vous croyez à la peine de mort, Alors n'hésitez pas. Ici, il n'y a pas de circonstances atténuantes, je ne les vois pas. Mais si vous considérez que la peine de mort n'est rien d'autre qu'une vengeance de la société, qu'elle est stérile, qu'elle ne produit aucun effet dissuasif, d'où les experts que j'avais fait venir, qu'elle est la marque même de ce que l'homme porte de pire en lui, l'instinct de tuer, alors que l'abolition est une des rares victoires que l'humanité puisse remporter sur elle-même, sur l'instinct de mort, alors le moment est venu. Et je construis toute cette plaidoirie dont j'indique qu'elle était improvisée. Je veux dire, par là, je ne lisais pas un texte. Mes arguments étaient parfaitement présents dans mon esprit. Mais pas un instant, je ne voulais quitter les jurés des yeux. Pas un instant. Alors que m'importait la qualité du propos, pourvu que ne se rompe pas cette relation-là. Vous alliez les interpeller presque physiquement, tout près d'eux? Je ne restais pas prisonnier, je dirais, du banc des avocats. C'est vrai, je le quittais, je sortais. Je ne dis pas que je me promenais, que j'errais dans la cour d'assises, là, comme la liberté. Non, pas du tout. Mais ce que je voulais, c'était qu'ils comprennent le message que je voulais leur faire passer, qu'ils étaient maintenant, à cet instant, eux-mêmes, devant une responsabilité qu'ils ne retrouveraient jamais. Je leur rappelais que le président Giscard d'Estaing avait envoyé à la guillotine Ranucci, qui avait tué, selon l'accusation, mais le doute subsistait en ce qui concernait la réalité de sa culpabilité, et que, ce faisant, le président Giscard d'Estaing avait fermé la porte à toute grâce possible pour Patrick Henry. On va donc c'était justement seulement eux, et eux seuls, qui allaient décider de la vie ou de la mort de ce jeune bien homme sûr qui était là. Et c'était cela qui était devenu le procès. C'était pour les jurés le choix qui, jusqu'à leur mort, les poursuivrait. Alors justement, vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing. C'est important parce que tout se joue dans une cour d'assises. Sauf qu'il y a un environnement. Hein. Il y a un environnement de la société, puis un environnement politique. Et les jurés sont des citoyens qui entendent aussi les discours politiques. Et en l'occurrence, celui du premier d'entre eux à l'époque, pendant l'été 76, Valéry Giscard d'Estaing, on va l'écouter. J'ai une petite minute, on en parle ensuite. Alors pour ce qui est de la peine de mort, je souhaite que la communauté nationale française et donc son législateur se saisissent le moment venu de ce problème. Naturellement, il ne convient sans doute pas de le faire à un moment où la situation de violence, et en particulier de certaines violences inadmissibles, rend la société française extraordinairement sensibilisée à ce problème. Et parmi les violences inadmissibles que je citerai, il y a deux cas qui sont les cas de rapt prémédité d'enfants comportant pour eux la quasi-certitude de la mort, ceci par un calcul d'intérêt. Et c'est d'autre part le cas de ceux qui, avec un acharnement inhumain, s'attaquent à des personnes âgées isolées, en ayant préparé leur agression pour leur soustraire leurs malheureuses ressources. Ben ça forcément, ça pèse hein, sur la justice. C'est le président qui parle. Ben, il se justifiait à la décision qu'il avait prise en ce qui concerne Ranucci. Et il annonçait celle qu'il prendrait. S'agissant de Patrick Henry, dont, disons-le, une quasi-unanimité du pays pensait qu'il serait condamné à mort. Mais pourquoi un homme comme Giscard, qui n'était pas un conservateur dans l'âme, il a abaissé l'âge de la majorité à 18 ans, il a fait voter la loi sur l'avortement, une vraie avancée de société, hein. Pourquoi n'a-t-il pas, alors, faudrait poser la question à lui-même, mais ce président-là aurait pu abolir la peine de mort. C'était pas un conservateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à lui de vous répondre. Oui, moi, ça, je n'ai pas à me substituer à M. Giscard d'Estaing. Je constate simplement que, à trois reprises, des hommes ont été guillotinés pendant son septennat et que dans les dernières années, c'est à la suite de tous ces combats contre la peine de mort dans la cour d'assises qu'il n'y a pas eu d'exécution. Le reste, ça concerne la conscience de M. Giscard d'Estaing. Moi, je n'ai pas à commenter à cet égard ses choix. Vous vous souvenez de votre confrère François Cerdat, bien sûr. Bien sûr. Favorable. Alors, justement, intéressant. Favorable à la peine de mort. On va écouter ce qu'il disait le jour du verdict. Là, c'est intéressant. Le simplisme est de dire que Patrick Henry n'a pas été condamné à mort. En vérité judiciaire, Patrick Henry a été condamné à la réclusion à perpétuité parce que 3 magistrats et 9 jurés ont reconnu l'existence de circonstances atténuantes. Tel est le fait, au-delà c'est le commentaire. Et je le ferai comme quelqu'un qui n'est pas partisan en l'état actuel de l'abolition de la peine de mort. Le verdict de Troyes est une réponse de justice à des jugements sommaires. Bien sûr, on peut dire et on dira que l'octroi des circonstances atténuantes est en réalité le refus de la peine de mort. Il ne serait pas honnête de ne pas l'admettre. Les jurés n'ont pas voulu décider la mort de Patrick Henry, persuadés peut-être qu'il ne serait pas gracié. Alors éclairez-nous d'un point de vue technique, Robert Badinter, s'il vous plaît. C'est quoi les circonstances atténuantes ? Là, en l'occurrence pour Patrick Henry. Les circonstances atténuantes, c'est une formule qui permet à une cour d'assises de descendre au-dessous du maximum fixé par la loi. Point. Ça se résume entièrement à ça. On l'apprend, c'est-à-dire que ce n'est pas tel ou tel élément du dossier que les jurés vont mentionner. Circonstances atténuantes, ça veut dire que on ne saurait à cet égard prononcer la peine la plus sévère prévue par le code pour le crime en question. C'est tout. Oui, on n'est pas obligé de l'étayer, de l'argumenter. Non. Circonstances atténuantes, rappelez-vous de cas, il y en a eu tant dans la justice française, notamment jusqu'en 1914, de crimes passionnels, où on disait, le mari jaloux n'a pas tué. Ouais. Voilà, c'est tout. On disait non. On disait non à une évidence. Alors, effectivement, c'est ce que disait François Sarda, c'est ce qu'il vient effectivement aussi d'expliquer. Expliquez-nous votre stratégie, votre mode opératoire lors du procès, puisque vous décidez vraiment d'intervenir pendant la plaidoirie. Pourquoi vous décidez ce mode opératoire ? Parce que je voulais, je le répète, remplacer dans ces audiences le procès Patrick Henry par le procès de la peine de mort. Je vous le dis, il n'y avait pas dans le dossier de quoi, dans le climat qui régnait à cet égard, à Troyes et hors de Troyes, sauver Patrick Henry. Et la question se posait, pour moi, avec une extrême simplicité. Si on était partisan de la peine de mort, eh bien, voilà le cas d'exemple. Si on était contre la peine de mort, alors c'était l'heure d'affirmer sa conviction. Les jurés étaient là, pris dans cette nécessité de passer d'une réflexion à une décision. Et les derniers mots, vous savez, il faut bien mesurer ce que c'était l'ambiance de Troyes. Ah oui, parlons-en, c'est important. L'ambiance il y a une adversité de Troyes, terrible. C'était la mort partout. Partout. Dans toutes les conversations, dans les hurlements qu'on entendait autour du palais de justice. Et les grands professionnels, je pense à Potcher ou à Thévenin, disaient « Ton client n'a pas une chance. » Je disais « Ce n'est pas un signe, n'y aurait-il qu'une que je vois les choses ?» Et je savais que c'était seulement dans ce rapport entre les jurés et eux-mêmes, à propos de la peine de mort et de la décision à prendre, qu'il y avait une possibilité de mettre en échec la peine de mort. Le début du procès, la première journée des témoins, était consacrée. J'ai obtenu ça avec beaucoup de difficultés à l'audience, mais je l'ai obtenu. Qu'on entende un prix Nobel, le professeur Lvov, parler de l'incertitude que l'on a toujours, de ce qu'est la décision chez un être humain, y compris le criminel, le passage à l'action. Le professeur Léauté, président de l'Académie des sciences criminelles. Le professeur Léauté venir expliquer avec les graphiques que nulle part, jamais, la peine de mort n'avait eu d'effet dissuasif et que jamais, sur la courbe de la criminalité sanglante, jamais, la peine de mort n'avait eu la moindre conséquence ou son abolition. Voilà. Donc, la criminalité sanglante suivait son chemin, quel que soit la présence ou l'absence de la peine de mort. Donc, à cet égard, que les choses soient claires. Et enfin, nous avons eu le professeur Roumajon, qui était le grand expert psychiatrique commis, pour dire « On ne sait pas ce qu'est un homme. On ne sait pas ce qu'il porte en lui. On ne sait pas ce qui peut se libérer dans chacun d'entre nous. Et il y a là une marge qui demeure d'incertitude. Mais la peine de mort, elle, c'est une certitude. Et il avait cité un certain nombre d'exemples où c'était après l'autopsie qu'on avait découvert telle ou telle malformation cérébrale. Donc, tout cela pour dire, le moment est venu, je pensais aussi à l'abbé Clavier, qui était celui qui escortait les condamnés à mort jusqu'à l'échafaud, homme admirable s'il en est. Voilà. Et pour moi, ce que je voulais, par-dessus tout, c'est que ces jurés mesurent que, à ce moment-là, ils allaient s'engager pour le reste de leur vie. Et que je ne leur parlais pas comme un avocat, mais que je leur parlais comme un homme à des hommes, en disant « Ne faites pas cela !» Au-delà de lui, il y a toute une société, et il y a vous aussi. Et j'ai terminé, et je le dis encore une fois, à ce moment-là, vous vous entendez prononcer des phrases qui émergent quelque part des profondeurs de vous-même, et qui vous surprennent. Et j'ai terminé en disant, je m'en rappelle encore, à peu près ceci, le procès finira, on abolira, car toute l'Europe a aboli la peine de mort, sauf nous. Peut-être, je l'espère bientôt. Et ce jour-là, après l'abolition, vous direz, ou vos enfants sauront, que vous avez envoyé à la guillotine cet homme de 23 ans, et ce jour-là, vous verrez leur regard sur vous. Et je me suis arrêté parce qu'il n'y avait rien de plus à dire. On va faire une petite pause, hein, Robert Badinter, puis on va écouter Alain Souchon qu'on écoutait en 1977, Allô Maman Bobo, puis on se retrouvera juste après. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô, maman. Allô maman bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Robert Badinter, je vais vous inviter encore à puiser dans vos souvenirs pour les trois minutes qui nous restent. Je voudrais que vous me parliez de l'adversité autour de votre mission, puisque la majorité sociologique était encore très nettement en faveur de la peine de mort. Patrick Henry était l'ennemi public numéro un, l'homme que la France haïssait. Comment vous avez vécu, vous, cette adversité dans la position de l'avocat, de celui qui défend l'indéfendable pour ces gens-là? Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Écoutez, très simplement, pendant des années, je le dis maintenant avec un certain sourire, ma femme et moi, nous vivions dans la haine autour de nous. Ce n'est pas facile, vous savez, d'être haï. J'imagine qu'on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas, non. Mais vous devez faire comme si. Et vous prenez l'habitude de recevoir des lettres. J'ai d'ailleurs remarqué que ceux qui m'écrivaient ces lettres de haine voient toujours ma femme et ma fille au pire supplice. Ça a toujours un aspect particulièrement dirigé dans la famille contre ma femme et ma fille. J'avais remarqué ça. Mais pour moi, c'était une conviction absolue. La cause de l'abolition, ça l'est toujours. Vous savez, les innocents exécutés, le pire crime qui puisse être commis, cette fois-ci par la justice, ça existe. Aux États-Unis, on le sait. 58 pays. Alors, il faut aller son chemin. Il faut continuer à lutter. Je vous dis, j'avais pris ce serment dans la cour de la santé, après l'exécution de Bontemps. À partir de là, les choses étaient simples. Je combattais la peine de mort. C'était pas X ou Y que je défendais. C'est moi qui l'ai dit. Cette phrase que vous avez évoquée, défendre, ce n'est pas aimer celui qu'on défend. C'est aimer défendre. C'était ça que je sentais. Mais surtout, la peine de mort, ça n'est pas, en définitive, l'objet d'un débat académique. La peine de mort, indépendamment du symbole que ça représente pour une société, ce sont des hommes qu'on tue. Et je rappelle que le droit à la vie, quel que soit l'être humain, il est sacré, c'est le premier des droits de l'homme. Et je n'ai pas besoin, au-delà, d'évoquer tout ce que les religions nous disent. Alors, ma conviction faite, il n'y avait plus qu'à la mettre en œuvre, sinon quel homme j'aurais été. Mais je n'aurais pas pu le faire, sinon avec ma femme. Il me reste à vous remercier, Robert Badinter, d'avoir répondu à nos questions et avoir puisé dans vos souvenirs. C'était Affaires Sensibles, le procès de Patrick Henry, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, ce sera autour du peintre Nicolas Dostal.